Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et pour commencer l'émission, nous recevons Pierre-Éric Isabelle. Il est étudiant à la maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS. Il s'intéresse aux tourbières et plus particulièrement à l'évaporation de l'eau au-dessus de ces tourbières. C'est assez pointu et il va rester un peu plus général pour nous expliquer le cycle de l'eau et comment on fait pour prévoir le déplacement des masses d'eau, comme par exemple le débit d'une rivière. Bonjour Pierre-Éric. Bonjour Valérie. Alors peut-être pour nous mettre un peu dans le sujet, je te propose de commencer par nous décrire le cycle de l'eau. Ben absolument. Écoute, quand on parle de cycle de l'eau, eh bien, le nom le dit, c'est un cycle. Mm-hmm. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau se retrouve en majeure partie dans les océans, on le sait sur la Terre, c'est le réservoir le plus important. Eh bien, cette eau-là va pas rester dans les océans, elle va voyager. Et le cycle de l'eau, ça se trouve à être le mouvement que cette eau va faire là, à partir de l'océan, vers les continents pour ensuite revenir vers les océans. C'est pour ça que c'est un cycle, ça tourne. Ça tourne. Mmh. Alors, pour ce qui est des réservoirs, donc le cycle de l'eau, c'est les mouvements entre ces réservoirs-là. Je viens de dire que les océans, c'est le plus important. Ensuite de ça, on peut avoir aussi les calottes glaciaires. Mmh. On a l'eau souterraine qui est sous terre, donc les nappes phréatiques. On a les lacs, l'humidité dans les sols. Dans l'atmosphère, il y a de l'eau aussi, hein? L'humidité nuages, de l'air. Ouais, l'été, quand il fait très chaud, on le sait, on la sent, l'humidité. Sinon, il y a les fleuves, les rivières et évidemment, dans une moindre partie, l'eau qui est présente dans la biosphère, c'est-à-dire l'eau présente dans les organismes vivants. Ah, c'est vrai, on l'oublie, celui-ci. Oui, mais c'est vraiment, on parle d'un millionième de pourcent. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. L'hydrologie. Dans le fond, ce que ça cherche à faire, c'est étudier le cycle de l'eau, comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, on ne va pas trop s'attarder aux océans, puisque les humains ne vivent pas dans les océans. Mm-hmm. On vit sur la Terre. Donc, et en plus, l'eau des océans est salée. Ça nous intéresse un peu moins, c'est un peu moins important pour l'humain. Donc, l'hydrologie, ce que ça fait, c'est le mouvement de l'eau sur les continents. Donc, l'eau arrive des océans dans des nuages. Elle tombe sur au sol sous forme de précipitation. Ça, c'est important pour nous, pour les hydrologues. On essaie de trouver ça. On essaie de comprendre aussi, une fois que l'eau est tombée au sol, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va s'infiltrer dans le sol? Est-ce qu'elle va ruisseler? Donc, comment elle va aller rejoindre les autres, les différents réservoirs, la nappe phréatique ou les lacs, etc.? Qu'est-ce qui dirige ces échanges-là, dans le fond? Évidemment, l'inverse peut être vrai. L'eau qui tombe, elle peut remonter à l'atmosphère sous forme d'évaporation. Ça, c'est aussi, c'est toutes des questions que l'hydrologue se pose. Et pour répondre à ces questions-là, on a des modèles qui vont nous aider. Ouais. Donc là, c'est ça. On a des modèles. Donc, on voit, parce que là, tu nous expliques les différents chemins que prend l'eau. Puis, on comprend que c'est un cycle, mais il y a plusieurs boucles dans le cycle, on dirait. Oui, c'est ça. C'est pas un seul grand cycle, évidemment. C'est pas une roue de vélo, là. Ça tourne sur la Terre, ça retourne dans l'atmosphère. C'est extrêmement complexe. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des modèles. C'est pour nous aider à comprendre. Donc, des modèles, on fait de la modélisation, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, les modèles, la modélisation? Bien, une définition simple de la modélisation, c'est qu'on va prendre un phénomène qui est compliqué. Le cycle de l'eau, c'est extrêmement complexe, comme on vient d'en parler. Mais on va représenter ça de façon simple. On va utiliser des lois mathématiques qui sont pas toujours simples, mais qui sont infiniment plus simples que la réalité, on s'entend. Puis, ou bien des calculs numériques avec un ordinateur, par exemple, ou des représentations géométriques. Puis, ça va nous permettre de simplifier ce qui est extrêmement complexe, qui est la nature. On va rendre ça plus simple. Et ça, c'est vrai pour tous les modèles, là, pas seulement les modèles hydrologiques. Un modèle hydrologique, c'est juste que ça va être focusé sur le cycle de l'eau, comment l'eau se déplace dans notre environnement. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Ben, concrètement, un modèle hydrologique, ce que ça va vouloir faire, c'est à partir d'une certaine pluie, on va vouloir prévoir combien d'eau va couler dans une rivière, quel débit va couler. La première étape, c'est de savoir ça va être quoi notre territoire. Ce territoire-là, en hydrologie, c'est encore et toujours la même chose, c'est le bassin versant. Comme on s'en parlait tout à l'heure, c'est une notion qui devient de plus en plus populaire dans les médias, dans la littérature, dans les instances gouvernementales. Qu'est-ce que c'est un bassin versant? Si je vous donne une définition formelle, là, c'est un territoire délimité par une ligne de partage des eaux, dans lequel toutes les eaux tombées vont ressortir par le même exutoire. Ouais. Donc, concrètement? Donc, concrètement, c'est ça. Quand on parle de ligne de partage des eaux, ça se trouve à être le territoire qui délimite le bassin versant. Une façon de voir ça, c'est si je me tiens sur cette ligne-là et qu'admettons, à ma gauche, je vois la rivière qui m'intéresse, si une pluie tombe à ce moment-là, toutes les gouttes d'eau qui vont tomber à ma gauche vont éventuellement finir par se retrouver dans la rivière. Mm-hmm. Alors que celles à droite vont aller dans une ailleurs, autre rivière, dans une ouais. autre rivière mm-hmm. éventuellement, mm-hmm. exactement. Et l'exutoire? L'exutoire, ben, c'est où toute cette eau-là va finir par se retrouver okay. au final. D'accord. Si on prend un exemple, par ouais. exemple, la rivière Chaudière. Son exutoire, c'est où ça arrête d'être la rivière Chaudière, donc quand elle se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Mm-hmm. Mm-hmm. Au niveau d'avoir peut-être une visualisation de ce qu'est un bassin versant, mais pour la rivière Chaudière, en termes de territoire, c'est immense. On parle de 6700 km². Mm-hmm. Évidemment, c'est une des grosses rivières du Québec, donc c'est normal que ce soit gros comme mais ça. Mais ça veut dire qu'on regarde tous les affluents, les petites rivières et ruisseaux qui vont finir par se jeter dans cette rivière-là. Exactement. Mm-hmm. Pour ce qui est de la rivière Chaudière, donc la partie la plus haute du bassin versant, ça remonte jusqu'à lac Mégantic. Ah oui. Donc, le lac Mégantic se déverse dans la rivière Chaudière mm-hmm. et donc fait partie du bassin versant. Mm-hmm. En plus de toutes les rivières qui se jettent dans le lac Mégantic, mm-hmm. tous les affluents. Donc, c'est un territoire qui... Toute l'eau, si elle finit par se retrouver dans la rivière Chaudière, ça fait partie du territoire. D'accord. Donc là, il faut numériser ce... Qu'est-ce qu'on fait avec ce bassin versant? Exactement. Ce bassin versant-là, il faut qu'on puisse le mettre dans notre ordinateur, donc traduire ses caractéristiques dans l'ordinateur. Habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le séparer, donc faire un quadrillé sur notre bassin versant. Comme un peu les pixels d'une photo, chacun des pixels dans notre bassin versant, on va leur donner des qualités. Mm-hmm. Habituellement, ce qu'on cherche à savoir, c'est d'abord l'altitude et l'inclinaison de chacun de ces pixels-là. Mm-hmm. Donc, l'inclinaison, c'est pour savoir une goutte qui tombe dessus va couler de quel côté. Ah oui. Évidemment. Ensuite, on veut savoir ce pixel-là, quel type de sol le constitue. Évidemment, si l'eau tombe sur un pixel en gravier, il ne se passera pas la même chose que si c'est de l'argile. Mm-hmm. Parce que? Au niveau de l'infiltration. Ah, pour okay, donc ça va gagner la nappe phréatique ou ça va ruisseler et ça va aller vers la rivière, par exactement, exemple. Exactement, okay. C'est ça. D'accord. Puis, autre chose qui joue aussi sur ce phénomène-là, c'est l'occupation du territoire, donc ce qu'il y a au-dessus du sol. Ah oui. Si c'est une forêt, ça va avoir plus tendance à s'infiltrer, tandis que si c'est de l'urbain, comme c'est de l'asphalte ouais, ça coule, ça ne s'infiltre pas du tout. Mmh. Et donc là, avec toutes ces données-là, on numérise le bassin versant et ensuite, on en fait quoi de cette numérisation du bassin versant? Ben, ensuite, on simule le cycle de l'eau sur notre bassin versant. C'est aussi simple. Donc, avant de commencer, évidemment, il faut savoir dans quel état est notre bassin au départ. On ne peut pas commencer à faire couler l'eau dans notre bassin avec les rivières vides et les nappes phréatiques totalement à sec. Ah, ouais. Parce que ce ne serait pas réaliste. Là. Ça prendrait, je sais pas moi, une dizaine d'années avec les nappes se remplissent et il n'y aurait pas d'eau dans la rivière. Donc, on commence, on définit une hauteur d'eau typique dans notre rivière, mm-hmm. une hauteur des nappes phréatiques. On détermine que l'humidité du sol est à un tel pourcentage, etc. Et ensuite, on fait tomber la pluie. Puis là, notre modèle hydrologique entre en jeu, puis il va simuler plein de choses. Comme par exemple, il va simuler, est-ce que la précipitation qui tombe va être de la pluie ou de la neige, dépendant de la température? Si on est en hiver et qu'il y a de la neige au sol, est-ce que cette neige-là, elle va fondre ou est-ce qu'elle va s'accumuler? Mm-hmm. C'est deux choses qui vont rentrer en jeu. Ou si l'eau qui tombe, est-ce qu'elle va retourner à l'atmosphère sous forme d'évaporation avant de sortir du bassin mm-hmm. versant? On ne le sait pas. Le modèle va le savoir. Ensuite, l'eau peut s'infiltrer dans le sol ou ruisseler, comme on en a parlé, avec les différents types de sols. Et finalement, selon la hauteur d'eau dans notre chenal de rivière, on va avoir une certaine vitesse d'eau, puis ça, le modèle va aussi le simuler. Mm-hmm. Donc, mais cette simulation, est-ce qu'elle représente la réalité ou comme c'est une simulation, ça sous-entend que c'est peut-être pas exactement la réalité? Comment on fait pour savoir si ça correspond à la réalité? Bien, un modèle, évidemment, comme c'est une représentation simplifiée, c'est jamais la réalité. Faut pas s'attendre à ça, là. Ce qui arrive, c'est que comme on sait que c'est pas la réalité, on va laisser des variables qu'on va pouvoir ajuster. On appelle ça les paramètres. Si notre modèle, c'est une espèce de machine, on va pouvoir serrer des vis et desserrer d'autres vis pour que ce qui donne à sortie, c'est-à-dire le débit de rivière, on va coller le plus possible sur ce qu'on a observé. Ce qu'on observe, oui. OK. Donc, ce processus-là, ça va être le processus de calibration-validation. Ça, c'est un processus qui est répandu dans toutes les modélisations qui existent. Admettons encore, on prend notre exemple de la rivière Chaudière. Si on a des données, par exemple des données météorologiques, les pluies qui sont tombées depuis 1950, et qu'en même temps, on a les données de débit observé dans cette rivière-là depuis 1950. Mm-hmm. On va se garder la première moitié de la période à peu près, donc disons 1950 à 1980. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster les paramètres pour cette période-là pour faire en sorte que le débit à la sortie que notre modèle nous donne soit le plus près possible du débit observé. De ce qu'on observe, ouais. Avec ça, ça va être notre calibration. Nos paramètres sont calibrés. Ensuite, on laisse le modèle rouler pour le restant de la période avec ces paramètres-là et on n'y touche plus. Mm-hmm. Là, ensuite, on va valider est-ce que ça fonctionne avec la période 80 à aujourd'hui. Donc, est-ce que nos débits sont réalistes? Si oui, ben bravo, on a réussi. Mais ça ne marche jamais du premier coup. Ah ouais, ça doit être un peu du tâtonnement quand même. C'est du tâtonnement. Ouais. Ces paramètres-là peuvent essayer d'être ajustés physiquement, mais souvent c'est du essai-erreur, puis ça peut prendre du temps. Ouais. Si ça ne marche pas, ben on retourne à l'étape d'avant. Ah oui, pour resserrer les vis. On serre les vis d'une façon différente pour que ça fonctionne, puis on recommence. Et finalement, donc une fois que le modèle il est validé, ça sert à quoi? On va essayer de prévoir le débit de la rivière, je ne sais pas, après une forte pluie ou au cru au printemps, à quoi on s'en sert? Ben, les exemples que tu as donnés sont très bons. Par exemple, la catastrophe au Saguenay qui a eu lieu dans les années 90. Après ça, le gouvernement du Québec a instauré une instance gouvernementale qui fait de la modélisation hydrologique, justement pour prévoir, avec des pluies extrêmes, quel débit va arriver dans une rivière et donc est-ce que les barrages sont sécuritaires. Mm-hmm. Mm. Ensuite de ça, Hydro-Québec fait aussi de la modélisation hydrologique pour savoir quel nombre d'eau va dans leur réservoir et ainsi combien d'énergie on peut faire avec ça. Ah, ben oui. Et finalement, comme notre modèle prévoit le débit dans une rivière, il va prévoir la hauteur d'eau qu'il y a. Ça nous permet évidemment de voir quelles sont les zones inondables sur notre bassin versant. Mm-hmm. Mm-hmm. Finalement, donc, ça paraît abstrait au départ, cette simulation, ces modèles mathématiques, mais à la sortie, c'est très, très concret. Ça a des applications très, très concrètes. Très concret, très utile et important. Merci beaucoup, Pierrick, d'avoir démystifié donc, pour nous cette modélisation hydrologique. Donc, je rappelle que Pierre-Éric Isabelle est étudiant en sciences de l'eau à l'INRS et ses travaux portent sur l'évaporation de l'eau au-dessus des tourbières. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. On va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de la pollution dans la neige.